on renchérit le nombre de labels et tout le monde s'en mêle avec les marques de distributeurs MDD, comme les MDD terroirs. Ça m'énerve un peu de voir que ce sont les grandes surfaces qui récupèrent la crème, parce qu'en fait, ces marques de distributeurs terroirs, elles ont été construites à partir de l'inventaire du Conseil national des arts culinaires. Il y a des inventaires qui ont été faits par région administrative auxquels on a participé. Vous êtes partie du comité de pilotage et du comité de réflexion qui visait à faire l'inventaire justement de l'ensemble de ces productions-là qui ont une relation particulière à un lieu. Comme ces inventaires sont sortis chez Albin Michel, il y a quelqu'un qui s'est dit « Ah, mais il y a quelque chose à faire intéressant, etc. »